Bonsoir, fidèles auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue dans ce journal de ce dimanche 24 décembre, la veille de Noël. Tout d'abord, le sommaire. C'est inquiétant que la loi des finances exercice 2018 prévoit 500 millions de francs burundais pour la maintenance du jet présidentiel. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement et président de la coalition Amizero ya Barundi se dit surpris par l'affectation d'une telle somme pour un appareil qui ne vole pas, vous l'entendrez dans son journal. La loi régissant la Cour anticorruption est lacunaire. Le président de cette Cour note que la loi ne prévoit pas de rendre des arrêts soit aux infractions relatives à l'enrichissement illicite ou détournement des biens publics. Et en Ngozi, deux vaches qui avaient été offertes par le programme de développement des filières ont été tuées. Les auteurs de ce forfait restent inconnus, mais trois personnes sont dans les mains de la police pour enquête. Même les motifs de cet acte restent non identifiés. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans ce journal qui vous sera présenté par Elini Ben Nibigira. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitewoodsi. Rebonsoir. Je vous le disais tout à l'heure, deux vaches de race frisonne données par le programme de développement des filières ont été tuées par des personnes non encore connues. L'une est de la commune Gashikanwara Colline Mafuro et l'autre Anyarunhana de la commune Ngozi. Ces vaches sont soit tuées à la machette, d'autres empoisonnées par acide selon des sources sur place. Trois personnes sont déjà arrêtées à Gashikanwa pour question d'enquête. Le médecin vétérinaire provincial dit ne pas être au courant des motifs de cette malfaisance. Il ajoute cependant que les enquêtes sont en cours pour connaître les mobiles de ce forfait. Et le président de la coalition Amizero ya Barundi se dit inquiet des frais de maintenance du jet présidentiel. Alors que la loi des finances exercice 2018 prévoit une majoration de 500 millions de nos francs, Agathon Rwasa s'interroge sur l'affectation d'une somme importante à un appareil qui reste non exploité. Suivez-le au micro de Placide Niyomungere. Il y a quelques années, on a vendu le Falcon 50. On a vu, il y a, je crois, une année, presque une année, quelques jours, un autre jet a atterri à Bujumbura. On a médiatisé. J'ai même vu ce jet-là. Moi, depuis pratiquement plus de 10 mois, ce jet, on ne le voit pas dans le ciel burundais, on ne le voit pas sur l'aéroport de Bujumbura, qui est l'unique aéroport par ailleurs dont nous disposons. Et voilà qu'on nous dit qu'il faut plus de 500 millions pour l'entretien d'un aéronef dont nous ignorons l'emplacement ou l'usage actuellement. Mais Agathon Rwasa, ces lois passent par l'Assemblée nationale à votre présence. Vous savez, le vote des lois, ça a une procédure. Ça a une procédure, même si je disais non, ça n'empêcherait pas que ça passe. Le quorum, il est là. Il y a un pourcentage qui peut faire passer les lois. Moi seul, je ne peux pas quand même bloquer. Et mon esprit, ce n'est pas vraiment pour bloquer, mais plutôt c'est que s'il y a des écueils, on puisse quand même corriger là où il faut corriger. Je ne fais pas d'intervention dans le sens de bloquer. Aux décideurs de prendre ce qu'il faut, chaque fois associé à l'intérêt des citoyens. Et je vous rappelle qu'au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu en date du 8 et 9 novembre, le ministre des Finances a réaffirmé que ce aéronef qui reste au sol doit être entretenu de façon régulière dans cet atelier spécialisé à l'extérieur du pays. Le ministre Domitien Ndihokubwaye, dans une note, a demandé que ce jet soit exploité pour générer des fonds dans la mesure du possible, ce qui facilitera la couverture des coûts de maintenance et de protéger contre les certaines conséquences liées à son immobilisation. L'avion présidentiel est arrivé à l'aéroport international de Bujumbura en date du 14 décembre l'an passé. Bonne gouvernance à présent, la Cour anticorruption indique qu'elle n'a pas encore rendu aucun arrêt depuis 2007 relatif aux infractions d'enrichissement illicite et de détournement des biens publics. Elie Manirafasha, président de la dite Cour, précise que la loi régissant la Cour anticorruption présente des lacunes pour ces infractions. Écoutez Elie Manirafasha. L'enrichissement illicite tel qu'il est défini par la loi anticorruption, la loi numéro 1/12 18 avril 2006, le législateur n'a pas bien défini ce qu'il faut entendre par l'enrichissement illicite et le texte que nous avons est un texte qui est dépourvu de la matérialité et l'élément matériel étant un des éléments constitutifs de l'infraction manque dans le libellé de cette infraction. Et cela fait que pour l'application de cet article, il devient impossible. Et c'est pour cette raison que nous avons demandé que la loi anticorruption soit révisée pour que le législateur puisse libérer correctement cette infraction d'enrichissement illicite. Les gens qui détournent les fonds publics, ils sont aussi poursuivis. Le détournement aussi étant un moyen illicite d'avoir de l'argent pour pouvoir se construire ceci ou cela. Elie Manirafacha, président de la Cour anticorruption, dont les propos ont été recueillis par la médiatrice Emelou Sabe. Page santé, le tabac est l'un des facteurs nuisibles qui causent les maladies chroniques que l'homme, chez l'homme. Cela est précisé par un docteur Kamaf Gaspard, son docteur spécialiste en pneumologie, indique que les conséquences du tabac sont néfastes pour la santé de l'homme, dont la maladie du cancer. Docteur Kamaf demande qu'il y ait des critères sévères pour inciter à la réduction du nombre de fumeurs dans le pays. Suivez Docteur Kamaf au micro d'Ornella Mucho. Les méfaits du tabagisme sont nombreux. La personne qui fume va faire un risque important de faire un cancer, surtout un cancer des poumons. Mais ça peut être aussi un cancer de l'œsophage, un cancer du col, de l'utérus féminin, ainsi de suite. À côté du cancer, il y a d'autres maladies, notamment qu'on appelle les bronchopneumopathies chroniques obstructives, des maladies qui sont caractérisées par le manque du souffle. La personne respire mal. Il est obligé de s'arrêter quand il est en train de marcher avec quelqu'un de même âge. Donc, une personne qui ne peut plus rien faire sans être essoufflé. Il va faire davantage s'il est asthmatique, il va faire davantage des crises d'asthme. Il a un risque majeur de faire une pneumonie. Donc vous voyez, il y a beaucoup de pathologies. Le risque d'être aggravé par le tabagisme. Comment est-ce qu'on peut lutter contre le tabagisme? Il faut que les gens sachent que le tabac est une drogue. Et comme toute drogue, la meilleure méthode de ne jamais commencer. Parce que, je le dis toujours, commencer c'est facile, mais abandonner c'est très difficile. Et généralement, il faut une préparation psychologique où la personne se dit, voilà, moi je suis informé que le tabac est mauvais, je suis disposé à l'arrêter. Il prépare dans sa tête une date butoir. Et à ce moment-là, lorsque cette date arrive, il dit, voilà, je ne fume plus. Et généralement, il informe ses voisins, ses amis, sa famille pour que ces derniers l'aident. Parce que il va avoir un comportement inhabituel. Il va être plus facilement irritable par le fait qu'il a arrêté de fumer. Il faut que les gens le comprennent et l'aident. S'il ne l'aide pas, s'il ne l'accompagne pas, il risque de le tomber. Mais pour les gens qui n'y arrivent pas seuls, eh bien, des médicaments qui contiennent un peu de nicotine, puisque c'est la substance qui rend dépendant les gens fumeurs, eh bien, ces médicaments vont aider la personne à ne pas recommencer à fumer. Ces médicaments, malheureusement, ne sont pas disponibles ici parce qu'ils sont chers. Selon vous, qu'est-ce que vous proposez pour que le nombre de fumeurs soit diminué ici au Burundi? Et là aussi, il faut que l'État puisse voir comment subventionner ces médicaments-là. L'autre élément, c'est qu'il faut absolument, ici chez nous, une loi anti-tabac. Une loi qui protège le non-fumeur et qui aide le fumeur à arrêter de fumer. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons ce journal par la page Société. Le prix du ticket de transport vers l'intérieur du pays a monté. Au parking d'Ikotebu, il s'observe beaucoup de passagers en attente de véhicules. Ces derniers ne sont pas satisfaits de cette montée du prix du ticket de transport et demandent aux autorités compétentes de mettre en place une loi sanctionnant les chauffeurs qui spéculent en période de fête de l'année. Les détails avec Vianney Gendakouma. Nous sommes au parking des véhicules qui se déplacent à l'intérieur du pays, communément appelé Kotebu. À cet endroit, s'observaient beaucoup de passagers qui attendaient les véhicules. Ces derniers sont frustrés du fait que les prix de transport ont été revus à la hausse, comme le témoignent ces personnes qui se rendaient à Muinga. Les véhicules manquent cruellement. Il y a des véhicules qu'on voit, mais il n'y a personne qui peut accepter de nous prendre là où on veut aller. Je vais à Muinga Et pour le moment, à Moïnga, on demande combien pour se déplacer. À Moïnga, on n'a pas de véhicule direct, mais sauf les agences. Et les agences sont toutes pleines. Et les autres véhicules, généralement, on est habitué à prendre des véhicules qui nous prennent jusqu'en Ngozi. Et dans Ngozi, on prend d'autres véhicules vers Moïnga. D'ici Ngozi, on a un tarif très élevé, pratiquement multiplié par 3 le prix normal. Et c'est... Auparavant, on payait combien? Auparavant, c'est 8 000 francs, mais aujourd'hui, on vient jusqu'à nous dire de payer 20 000 francs, c'est beaucoup. Non, vraiment, le déplacement n'est pas pratique. Les prix sont augmentés à Moïnga. Auparavant, c'était entre 5 à 7 000. Au centre du pays, à Gitega, le ticket est passé de 5 000 francs à 10 000 francs pour les passagers voyageant à bord d'un minibus Hiace et de 7 000 à 15 000 francs pour ceux qui se déplacent en voiture dit Probox. Ces passagers demandent que le transport soit réglementé cette période de fête de fin d'année. Juste pour souligner Vianney Ngendakumana que cela est ainsi au moment où le président de l'association des transporteurs en Trabou avait dit que ce vendredi, que les chauffeurs qui vont spéculer seront punis. Et le commerce ambulant du maïs et grillé est interdit dans les communes de la province Moïnga. Ceux qui vivaient de cette activité parlent de mesures injustes qui les privent de leur capacité à trouver la ration. Les administratifs justifient la mesure par la volonté de pousser la population à protéger la récolte du maïs vendu en désordre ces derniers jours de Moïnga, Dieudonné Nzeiman. On peut manger du maïs grillé à condition d'être chez soi. Plus de commerces ambulants du maïs grillé qui se faisaient remarquer ces derniers jours ici et là aux abords des routes ou des cabarets. La mesure a été prise par les administratifs dans les communes où la production du maïs s'annonce plutôt bonne dans différentes contrées et au moment où des commerçants ambulants, majoritairement des femmes et des enfants, sont lancés dans cette affaire. Cela grogne. On nous a privés d'une source de revenus et des mesures de dissuasion étaient d'ailleurs prises, comme des amendes variant entre 10 000 francs et 20 000 francs, révèlent des femmes qui s'approvisionnaient habituellement en commune Gasogwe pour griller le maïs à la périphérie du marché de Moïnga. Jumaïne Baden, des conseillers économiques et du gouverneur de la province Moïnga, parlait plutôt d'initiatives prises localement pour inciter la population à bien gérer les récoltes. C'est irresponsable que la production soit écoulée en désordre alors qu'il y a une promesse de trouver un marché auprès de certaines organisations internationales. De Moïnga, Dieudonné Nzeimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeimana pour boucler ce journal. On boucle par cette page sportive. La Fédération burundaise de lutte associée a organisé ce samedi une compétition nationale dans le but de qualifier ceux qui représenteront le Burundi dans le championnat d'Afrique qui se tiendra au Nigeria en février 2018. Edini Bidzi, le président de cette fédération, indique qu'ils veulent détecter les jeunes talents dans cette discipline qui est en train de tomber dans l'oubli petit à petit. Gertrude Mawenayo était là. Voici son reportage. Le sport de lutte associé appelé en Kirundi Umwereka est un sport où deux personnes combattent, l'un essaya de faire tomber son adversaire. Elini Wizi, le président de la Fédération burundaise de lutte associée, dit que la lutte associée est une discipline intéressante et qui existait même depuis le temps des rois au Burundi, mais qui est encore moins connue par les sportifs burundais. Le sport de lutte, on peut croire que c'est un sport nouveau, mais c'est plus ancien. On le pratiquait au temps des rois, on l'appelait en Kirundi ou Mwere. Peut-être je ne vois pas l'équivalent en français. Seulement, actuellement, c'est le Mwereka qu'on pratiquait avant, qu'on a un peu amélioré, qu'on a intégré des techniques. Parce que la lutte, maintenant, c'est un sport olympique. Sinon, avant, c'était pratiqué. Mais nous voyons que c'est un sport que beaucoup de gens ont oublié. Et nous voulons, en tant que fédération, développer le sport pour que, même à l'intérieur du pays, les gens apprennent de quoi il s'agit. Donc, que c'est un sport que les jeunes peuvent mieux participer dans des compétitions international comme les autres sports. Elini Wizi précise que l'objectif principal de la compétition de ce samedi était pour qualifier ce qui représentera le Burundi dans le championnat d'Afrique prévu en février 2018 au Nigeria. L'objectif principal de cette compétition, c'était pour qualifier les jeunes qui pourront représenter le Burundi dans le championnat d'Afrique, mais aussi préparer les Jeux olympiques de la jeunesse, parce que ceux qui vont se qualifier au niveau du championnat national pourront participer dans les Jeux olympiques de la jeunesse. Mais aussi, c'était une occasion pour faire la détection des talents, parce que, vous voyez, ça fait participer les jeunes de plusieurs provinces, provenant de l'intérieur, même ici au Bujumbura. Donc, c'était de voir les meilleurs que nous avons pour, aussitôt qu'on a un événement, une compétition internationale, pour voir ce qui peut représenter valablement le pays. Il demande au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et au Comité national olympique de leur soutenir. Cette compétition a vu la participation de cette province, dont Bujumbura, Mairi, Bururi, Mubanza, Ruyigi, Gitega, Muranza et Chibitoke. La première place revient à la province de Bujumbura-Mairi qui a remporté plus de médailles d'or que les autres provinces. Merci Gertrude de Mawenayo. Nous arrivons à bon port. C'est par ici qu'on va mettre un point final à cette édition. Mes remerciements s'adressent à vous tous qui nous avez prêté oreille attentive. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti pour sa parfaite collaboration technique. Edini Benibigila, c'est moi qui vous présente ce journal. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et surtout une très bonne veillée de Noël. Bye bye.